21.3, compréhension auditive et production orale. Écoutez les dialogues suivants. Après chaque dialogue, vous allez entendre une question. Répondez à la question. 1. Avec les petites calculatrices électroniques et les ordinateurs, ce n'est même plus la peine d'apprendre à compter. Ben oui, mais enfin, les ordinateurs, il faut quand même les programmer. Est-ce que les ordinateurs font des opérations tout seuls ? Non, il faut les programmer. 2. C'est la même chose pour la chimie. Toutes ces formules, à quoi ça sert ? Je vous le demande. C'est peut-être bon si on veut être distillateur ou pharmacien, ou pour raffiner de l'héroïne. Mais à part ça... Ça peut aussi servir si on veut fabriquer des explosifs. Quand est-ce que la chimie peut servir, d'après Mireille ? Si on veut fabriquer des explosifs. 3. D'accord, oui, personne ne parle plus latin. Même les curés disent la messe en français maintenant. Mais on apprend le latin pour d'autres raisons. Ah oui ? Et pourquoi, dites-moi ? Eh bien, pour mieux savoir le français. Et puis pour la discipline intellectuelle. Pour quelle raison est-ce qu'on apprend le latin, d'après Mireille ? Pour mieux savoir le français et pour la discipline intellectuelle. 4. Si vous voulez mon avis, faire des mots croisés ou zero bridge est plus utile comme exercice mental. Qu'est-ce que Robert trouve plus utile que le latin comme exercice mental ? Les mots croisés. 5. Oh, est-ce que vous êtes sans pensée quand vous vous y mettez ? Est-ce que je peux vous inviter à déjeuner ? Parce que je suis sentencieuse que vous voulez m'inviter à déjeuner ? Non, c'est parce que j'ai faim. Pourquoi Robert invite-t-il Mireille à déjeuner ? Parce qu'il a faim ?